Cours numéro 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-imam ibn al-qayyim rahmatullah alayhi faslun. Iza arafta hadhihi al-muqaddimah. Fallazzatu at-tammah. والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. Tout ce qu'il a cité avant, c'était une muqaddima, une introduction. إذا عرفت هذا, أي que l'insan, il doit faire des efforts pour le khayr, il doit s'écarter du mal. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi al-an, il te montre anna al-khayr wa al-ladha at-tam, le bien, tout le bien, wa al-farah wa al-surur, كذلك, si tu veux être heureux, wa tayyib al-aysh, tu vas avoir une bonne vie fi dunya qabl al-akhirah, wa al-na'im, كذلك, la récompense fi dunya wa fi al-akhirah, innama huwa fi ma'rifatillah, c'est ça al-khayr. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala bi'ilm, ses noms azza wa jal, ses attributs, pourquoi il a envoyé les messagers, pourquoi il a révélé ce Coran, faire des efforts fi al-Quran al-Karim, c'est kalamullah, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa celui qui fait des efforts fi hadha al-bab, fi al-aqida, fa bi'idnillahi azza wa jal, il sera murtah. لماذا لان il va connaître Allah subhanahu wa ta'ala et il va savoir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé et il va savoir que Allah subhanahu wa ta'ala il a une hikma azima pourquoi il a créé hadha al-bashar pourquoi il a créé shaytan pourquoi il a créé des ennemis pourquoi il l'éprouve il sera ala ilm il va savoir que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim fa min sifatihi al-hikma tout ce qui fait Allah subhanahu wa ta'ala c'est bi hikma fa toutes ces créatures que tu vois il y a une hikma azima. Même si en apparence c'est du mal, il y a une hikma. كذلك, هذا الإنسان il va avoir du ilm en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est arhamur rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé l'anbiya wa rasul pour notre bien. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. كذلك, l'insan il aura husnu dhun billahi azza wa jal. Une bonne pensée. Il n'aura pas des mauvaises pensées, iyadan billah. أن الله عز وجل il lui veut du mal. كما يقول الكفر الآن أن هذا الدين هذا القرآن c'est un manque de liberté la femme elle est opprimée celui qui suit النبي صلى الله عليه وسلم فإلى أغيره عيادا بالله celui qui dit ça c'est le كافر أو من تأثر به أما المسلم qui connaît الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ce qui nous a ordonné c'est pour notre bien et si on applique on a une énorme récompense تأمل مثلا حجاب المرأة c'est une عبادة عظيمة أن المرأة se couvre. فالحقيقة c'est pour son bien. Si elle se couvre, elle va être préservée. الحمد لله. الفساق والفجار. Quand ils voient une femme qui est couverte, والله الحمد خاصة si elle est accompagnée avec son père ou avec son mari, الحمد لله elle est في خير. Et il y a un rempart entre الفجر والفساق, les pervers, et cette femme. فلهذا المرأة المسلمة qui porte le hijab الشرعي, elle est في راحة وفي نعمة. Et chaque femme musulmane, walillahi alhamd, elle reconnaît ça. Avec tout ça, si elle patiente, et elle fait salat, lillahi azza wa jal, et elle obéit à son mari, et elle suit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme elle peut, et fil haqiqa, c'est une courte durée, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et elle meurt à la hada al-hal, fa ala al-jannah. Elle meurt à la tawhid, et elle fait salat, et elle a fait des efforts, ala al-jannah éternellement. Est-ce que c'est un mal, billah alayk? Al-kuffar, pourquoi ils disent que c'est un mal? Les annahum, ils suivent al-shahawat. Et ils veulent profiter de cette femme. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que cette femme muslima, elle soit dévêtue. Ayyadan billah, comme ça, hum, ils regardent, s'ils peuvent profiter, il a akhir. Enfin, vu que cette femme, elle leur obéit pas fi hada, les critiquent. Lakin al-muslim, ça lui fait aucun mal, abadan. Il sait qu'il est à l'akhir et il est fi khayr. قال ابن القيم رحمة الله عليه وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه هكذا المؤمن أنه يكون الله سبحانه وتعالى يفدزفر في التوحيد هذا مهم دعوة جميع الأنبياء والرسل التوحيد لماذا؟ لأن التوحيد سمفتاح الجنة Celui qui meurt, wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Il rentrera dans le jannah, celui qui meurt à la tawhid. Et celui qui dit la ilaha illallah sidqan min qalbi, haram Allah alayhi an-nar. Tout ça, c'est min fada'il al-tawhid qu'on a déjà étudié, wa lillahi al-hamd. Et le musulman, il doit faire des efforts. On fait attention de ne pas dresser hadha al-bab al-azim et perdre notre temps dans des choses qui sont moins importantes. Là, al-aslu c'est hadha. Khassatan, celui qui a atteint un certain âge et wa lillahi al-hamd, c'est un musulman, il veut faire des efforts. Fais des efforts fi tawhid. Fais des efforts fi tawhid, c'est a'zam shay. Wa min anfasul kutub fi hadha al-bab. Et c'est ce livre qu'on conseille da'iman hifdhan wa tadabburan, bien sûr, ba'd kitab illahi azza wa jal, kitab at-tawhid li cheikh al-islam rahmatullah alayhi. Hadha al-kitab al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayhi wuffiqa fihi tawfiqan aziman. On doit faire des efforts. Et fil haqiqa al-kitab, il cite imma des versets du Coran al-Karim, imma des ahadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, imma des athar عن الصحابة أو عن أئمة الهدى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال والشوق إلى لقائه, أي المسلم, celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ses noms et ses attributs et il connaît la récompense que Allah subhanahu wa ta'ala il a promis pour ses serviteurs, الحقيقة, il est pressé et il a envie de rencontrer Allah عز وجل. قال وهم قال إلى لقائه واجتمع القلب والهم عليه. Ça, c'est important. Son objectif, c'est hada. Il pense à hada. Son dîn, comment satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, et après la mort, est-ce qu'il va être prêt? C'est ça, hum al-mu'min as-salih. Qala, fa'inna ankad al-aish, aishu man qalbuhu mushattatun wa hammuhu mufarraqun, falaysa li qalbihi mustaqar, yastaqirru indah, ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه كما أفصح القائل عن ذلك بقوله وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. أما celui qui n'a pas cet objectif, qui n'a pas ce but, عياذا بالله, أي d'apprendre sa aqida, de connaître Allah عز وجل, de connaître ses noms et ses attributs, هذا ابن القيم قال فإن أنكد العيش, أي la pire des vies, من قلبه مشتت وهمه مفرق. Son قلب il est مشتت, أي il est pas fondé sur des fondements solides. Quelque chose de مشتت, c'est quelque chose de dispersé. وهمه مفرق. Pourquoi? لأن همه, c'est quoi? الهم, c'est ce qui le préoccupe. Enfin, il est préoccupé par des choses. Et il a qu'un cœur. Enfin, s'il n'occupe pas ce cœur avec ma huwa nafi'un, il sera occupé par des choses futiles qui l'écartent. فلهذا قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الآية. ومن أعرض عن ذكري, أي celui qui se détourne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-dhikr, huna, c'est le Qur'an, c'est le sunna, c'est l'islam. Fa'inna lahum ma'ishatan dhanka. Al-dhanak, c'est al-dhiq. Annahu, il aura une mauvaise vie. Des problèmes, il ne sera jamais tranquille. Pourquoi? On revient à la parole d'Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi. Qalbuhu mushattat wa hammuhu mufarraq. Thumma qal, falaysa li qalbihi mustaqar, yastaqirru inda. Il n'a pas des fondements solides. Il n'est pas occupé par l'essentiel, par ce qui va lui être utile. Là, hammuhu ad-dunya. Ba'duhum, c'est ça, hammuhu ad-dunya. Et ta'lamun ad-dunya, l'insan, il ne sera jamais satisfait. Comme a dit le hadith, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna abna adam, il est hakada. S'il a un wad, min zahab, ou fidda, il veut un deuxième. S'il a un deuxième, il voudra un troisième. Hakada l'insan. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم على فن الحديث ولا يملأ قلبه أو بطنه أو جوفه إلا التراب. لا يشبع الإنسان. الإنسان il est jamais rassasié أبدا. لكن il sera enterré et il sera enseveli de terre. عيادا بالله. Et on passera tous par هذا. لكن celui qui est à la خير il est à la خير. Et celui qui est à la شر est-ce qu'il va emmener avec lui Fait-il qu'un choufra dans ce trou, dans sa tombe, est-ce qu'il va emmener avec lui quelque chose? Sa voiture, ou sa maison, ou son argent? Abadan. Fahammuhu dunya, ba'duhum, c'est ça. Préoccupé par dunya. Ahammuhu al-mustaqbal. Il pense qu'à ça. Iyadan billah, ba'duhum. Al-mustaqbal, l'avenir. Falihada, s'il apprend que maintenant tu ne fais pas des efforts dans le travail comme lui, c'est comme si tu allais périr. Alors que, en fait, c'est l'ex. Mais le musulman, s'il fait un peu d'effort, fait dunya, alhamdulillah, il arrive à payer son loyer, il arrive à manger, alhamdulillah. Il est fini, mais l'essentiel, c'est après la mort. Lakin, ba'd an-nas, in'akasat al-mawazin 'indahum, tout s'est inversé. Si tu ne fais pas d'effort, fait dunya, pour eux, tu es un fainéant, tu vas à ta perte, c'est incompréhensible pour eux. Si tu fais des efforts, fait l'ilm, ils ne donnent pas trop d'importance. Lakin, nahnu, ولله الحمد استفدنا من كلام ابن القيم رحمة الله عليه أن الأساسيال هي الدين بعضهم همهم هي الرزق وهذا يرجع إلى ما ذكرناه قبل الرزق يفكر ما سيأكل غدا ما سيتركه لأولاده هون على نفسك الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وقدره تقديرا الله لا تكري لا تقدر ton risque il te viendra bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des efforts. Là, on fait des efforts. Pour nos enfants, pour nous-mêmes, alhamdoulilah, pour ne pas tendre la main vers les autres, pour ne pas se rabaisser. Lakin, sans dépasser les limites. Ahammuhum ba'duhum, c'est quoi ce sihha? C'est leur corps, la santé. Iyadim billah, ba'duhum, vous en connaissez. Ahammuhum, c'est son poids. Toute sa vie, c'est fihad. Iyadim billah. Il perd son temps, fihad. Ba'duhum, robbama, ils ont pris quelques grammes, ka'annahum. Ils vont tout perdre. Là, pourquoi les annalham, au lieu que ça soit fil hasanat ou sayyat, c'est sur le poids, c'est sur le physique. Ba'duhum hammuhum, c'est la maison, le ménage, ils sont da'iman fi hada. Ba'dun nisa haluhunna c'est hada. Hatta ba'duhunna rubbama la salat wa la quran wa la dhikr wa la shay, tout l'année, du matin au soir, le ménage. Et sa santé, elle part fi hada. Un jour, elle meurt, elle va laisser cette maison. Cette maison, كذلك, elle partira. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas d'importance à la propreté, mais sans exagérer. Ça nous montre que l'âme, c'est muhim. Et tu vas être préoccupé par quoi? Nous, on doit être préoccupé par dit. Amma dunya. فكما تعلمون متاع قليل الله سبحانه وتعالى وصفها في القرآن بدي أوصاف طيبة نافعة celui qui médite sur les exemples que Allah il a cité pour le dunya et on avait déjà fait une kalima في هذا et il y a beaucoup d'ayat et d'ahadith في هذا الباب قال فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول أي الله سبحانه وتعالى. Tu veux avoir une vie taïba, tu veux être tranquille في نفسك, tu veux t'écarter des waswas, des problèmes. أن الشيطان il te fait peur de l'avenir, أنك ربما demain tu vas pas payer ton loyer, tu vas pas manger, toutes ces choses que الشيطان il nous fait peur. Reviens à Allah سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut vraiment ton bien. Et il t'a créé pour ton bien. Et il t'a préparé une énorme récompense. Faqat, fais des efforts et obéis-lui. Et tu verras que tu réussiras bi-idhnillah. Qala walaw tanaqqal al-qalb fil mahboubat kulliha lam yaskun wa lam yatma'in ila shay'in minha wa lam taqar bihi 'aynuhu hatta yatma'in ila ilahihi wa rabbihi wa waliyih. Non, tu veux tester autre chose, iyadam billah, comme ils font le bab. Non, mais ils ont testé les drogues, ils ont testé l'argent sale, ils ont testé le haram, ils ont testé beaucoup de choses. Da'iman, ils sont fitab. Ba'dhum, iyadam billah, ils ont fini en prison, ba'dhum, ils ont fini sous terre, ba'dhum, ils ont fini, robbama, blessé, tué, torturé. Tout ça à cause du haram. Il n'y a pas d'issue. La seule issue, c'est fi dinillahi azza wa jalla. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى لرحيم بعباده أما البشر لا si tu délaisses الدين et tu veux concurrencer الناس في الدنيا فالبشر لا يرحمون, ils ont aucune rahma. Chacun, il veut manger le plus possible, il est prêt à tout pour cela. Écarte-toi de هؤلاء. قال الذي ليس له الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين. كذلك أن chaque être humain a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين. طرفة عين أي un clin d'œil. On ne peut pas se passer. On a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous guide. Enfin, on est obligé de revenir à lui et lui demander subhanahu wa ta'ala. Hatta yawm al-qiyama. Ta'ammal hal al-mushrikin yawm al-qiyama. Anahum, fi dunya, ils pensent que tel wali, tel mort, il va leur faire shafa'a. C'est pour ça qu'ils font des sacrifices pour eux. Iyadam billah, c'est du shirk. Man dabaha li la'ana Allah, man dabaha li ghayri Allah. Ba'dhum, ils font tawaf autour de la tombe, ba'dhum, ils demandent à ce mort. Si tu lui demandes pourquoi الشفاعه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. Si tu lui demandes, il te dit c'est pour shafa'a. لكن الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. Qui c'est qui t'a dit que هؤلاء ils allaient faire shafa'a? Bel cette demande c'est du shirk. Ça fait qu'éloigner celui qui demande de shafa'a. Si tu veux shafa'a, demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Limada, il y en a celui qui la possède yom qiyama. Il facilitera, il autorisera qui il veut à faire shafa'a. Enfin, on doit la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la demander à un makhlouq, à un mort, c'est aynu shirk. Et c'est exactement le shirk qui a conduit certains de Quraysh à leur perte. Ils n'ont pas voulu suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc revenir à celui qui donne shafa'a, à celui qui exauce ad-du'a, c'est ça al-muhim. Qala kama qala al-qa'il naqil fu'adak haythu shi'ta min al-hawa mal hubbu illa lil habib al-awwali ay Allah subhanahu wa ta'ala kam munzilin fil ardi ya'lafahu al-fata وحنينه أبدا لأول منزلي فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو لله وحده فهذا غاية سعادة العبد. نصيحة من ابن القيم رحمة الله عليه. فاحرص, الحرص فيغ دي زيفور, أن يكون همك واحدا. Ta préoccupation tu dois en avoir qu'une, c'est la base. أن يكون هو الله وحده, c'est Allah سبحانه وتعالى. Fahamuna, ça doit être ça. Est-ce que ce que je fais, Allah il est satisfait? Est-ce que ce que je fais, ça ne met pas en colère Allah Azza wa Jal? Est-ce que Fulan que je fréquente, que j'aime, est-ce qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala? Fulan que je hajar, que je déteste, est-ce que c'est un ennemi d'Allah? Enfin, si c'est un wali, je n'ai pas le droit de le hajar, je dois le rapprocher. Fulan, si c'est un kafir, ça ne doit pas être mon ami, je ne dois pas l'aimer. Le mizan, c'est quoi? C'est dinullah. Hammuk, c'est Allah. Hakada, tu vas avancer. Tu vas tout peser avec din, avec sharia, pas avec al-hawa. Qala, hada ghayatu sa'adati al-abd. C'est le seul moyen pour être heureux. C'est ce tariq. Avoir ce ham, cette préoccupation. Wa sahibu hadhihi al-hal. في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل كما قال بعض الواجدين أي الذين يجدون هذه الراحة هذه اللذة إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب تلمو كبعضهم يزعطان أونيفو في العلم et il est firaha. Il y en a celui qui fait des efforts avant les plaisirs de l'Jannah et la récompense, il aura déjà du plaisir et il sera reposé fit dunya. Hatta ba'dhum qal si ahl al-Jannah ils sont comme je suis maintenant, alhamdulillah, c'est déjà ils sont dans une bonne situation. Alors que ahl al-Jannah c'est incomparable fil haqiqa. Lakin pour te montrer annahum ils sont firaha hatta fit dunya. Qala wa qalu al-akhar إنه لا يمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا أي كأنه القلب يفرح تنمو كلي في راحة في علم وفي طاعة toutes les futilités de dunya, ça ne le touche pas, il est firah. بعض الناس الآن quelque chose de futile يتزعزع. أحيانا tu trouves بعض الناس للأسف une petite chose, أنت tu le vois sa situation كأنه حصل ما أدري. Quelque chose de futile. Rubama il a entendu une kalima. Rubama quelque chose à la maison qui n'est pas comme il voudrait. Quelque chose de futile. Alors que c'est pas ça le but, c'est dunya, l'amour sahl. قال وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل له وما أطيب ما فيها قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه هذا يقول هذا الصالح مساكين أهل الدنيا أهل الدنيا سيدي مساكين بوركوا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها أي ils sont في الدنيا ils ont pas goûté la meilleure chose que في الدنيا. Et en fait, chacun de nous recherche hada, avoir du khir fi dunya, se reposer, la tranquillité. La question qu'on doit se poser, c'est quoi la meilleure chose qui est fi dunya? C'est quoi la meilleure chose qui est fi dunya? Qal ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal ansu bi qurbihi wash-shawqu ila liqa'ihi. Wash-shawqu ila liqa'ihi. C'est ça. Ahsan shay fi dunya ay anfa'a shay. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatuhu. Aimer Allah et Allah il t'aime. Si Allah il t'aime, il va t'ouvrir les portes. Il va te préserver, il va te protéger, il va te faciliter, il va te guider. Wal unsu bi qurbih. Bi tilawati al-Qur'an, en faisant dua. An Allah subhanahu wa ta'ala il est qarib, il est mujib. An Allah il est ma'ana. Ay bi ilmih. Azza wa jal. An Allah il nous voit, il nous entend, il nous répond. Si on lui demande. هذا celui qui a هذا الحال لا شك انه يبيت في نعمه même s'il a pas beaucoup fait de dunya même s'il a pas beaucoup d'argent même s'il a pas une grande maison même s'il a pas de voiture même il sera à la khair اما واحد الى الدنيا femme enfant maison argent لكن قلبه الى ضيق ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا فربما كما قلنا il met fin à ses jours et vous l'avez vu et entendu هذا. Des célébrités, ils avaient beaucoup fait de dunya, du jour au lendemain. Cette célébrité, elle se suicide. Limada. Les anoum, ils n'ont pas connu. Hada al-khayr. Cette saveur, ils n'ont pas connu. Limada, les anoum, ils étaient loin du din. Et fil haqiqa, ce qui les attend, et pour ceux qui sont morts à l'al-kufr, ayyadan billah, c'est achat. Qala wa laysa fi dunya na'imun yushbihu na'im ahl al-janna illa hada. Il n'y a aucune comparaison à faire entre le Jannah et le Dunya. Qal, sauf celui-là. Al-ladda ay ma'rifatullah wa ma'rifat asma'ihi wa sifatihi wa mahabbatuhu azza wa jal. Tout ça, c'est une ni'ma azima. Qala, wa lihada qala al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa t-tib wa ju'ilat qurratu ayni fi s-salah. فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان النساء والطيب ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. Ça montre que l'insan, ça ne veut pas dire qu'il se prive, انه il mange pas, انه il se marie pas, انه il profite pas de la bonne nourriture, d'une belle monture, de beaux vêtements. أبدا. إن الله جميل يحب الجمال. وتعرفون الحديث, les trois personnes qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont pas trouvé, ils ont trouvé Aïcha radiallahu anha. Et ils lui ont demandé sur la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son siyam, il a akhiri. Et qu'annahum, pour eux, ça a paru que c'était pas beaucoup. Alors que eux, et c'est valable pour tout le monde, on n'est pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Annahum, il a appuyé par la révélation, Allah il lui a pardonné ses fautes, il a akhiri. Fahum, ils ont voulu faire plus. Fawahid qala inni. أصلي ولا أرقد أي je veux faire salat et je dors plus. واحد قال وأنا لا أتزوج النساء je me marie pas. وواحد قال وأنا أصوم ولا أفطر je veux faire siyam toujours je mange plus. أي qu'est-ce qu'ils voulaient هؤلاء leur intention elle était bonne ils voulaient se consacrer à l'ibada. النبي صلى الله عليه وسلم il a montré là c'est pas comme ça. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن راغب عن سنتي فليس مني أما أنا فأتزوج النساء وأقوم وأرقد وأصوم وأفطر. Ça montre tout ce qui cite Ibn al-Qayyim, il ne faut pas comprendre qu'on délaisse complètement dunya. comme ils font بعض جهال الصوفية المجرمون الفسقة أنهم soi-disant ils se coupent de dunya et بعضهم il a même plus d'عناية la propreté إلى آخره بعضهم ils délaissent le mariage comme ils font ضلال النصارى les prêtres إلى آخره ثم يقعون عيادا بالله في الفاحشة كثير منهم. Pourquoi? لأن c'est pas ça la bonne méthode. ولا تنسى نصيبك من الدنيا هكذا قال عز وجل. لكن sans dépasser les limites, marie-toi أخي الكريم, achète une maison si tu peux, achète des bons vêtements si tu peux, لكن une condition, que ça soit dans le halal, et la deuxième, que ça t'écarte pas du din, ça t'écarte pas du ham qu'on a cité, la préoccupation. Elle a cette voiture, cette femme, ses enfants, cette maison, t'oublies tout. ربما بعضهم يفني ومجد إلى آخره الله فتح عليهم un peu في الدنيا tu les trouves, ils viennent plus au masjid, plus d'ilm, plus de doros, ça c'est une fitna. Amma si cet argent, cette richesse, elle te rapproche d'Allah et tu fais du khayr, falhamdulillah, c'est une ni'ma. Ah, ça c'est une précision مهمة. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. Et Allah, il aime plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaqul hubbiba. Et on m'a fait aimer de votre dunya deux choses. An-nisa, les femmes, wat-tib. Falihada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné la solution. Dans le mariage, fil hal. Bel, tu peux te marier avec une, avec deux, avec trois, avec quatre. Bien sûr. Bil adl. Tant que tu es juste. Ça montre, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas. يعني ضيق علينا أي نزابا دوني ديسيو أبدا. الله سبحانه وتعالى سأرحم الراحمين. تأمل حال أعداء الله عز وجل أنهم هم تعلمون أنهم سيكم ديزانيمو أنهم يفل بروفيتي دي فام والزينة عيادا بالله. كثير منهم يترمب لغ فام لا فام لا ترمب لهم حالهم إذا معروف كنت المسلم يفل بروفيتي بحق في الحلال أنه يسمغي بكم. ربما إلى القدرة يبغى يسمعي avec deux avec trois. Tu trouves أعداء الله من الكفرة ومن المنافقين ومن تأثر بهم. Ils comprennent plus. Alors que lui, ربما يفعل زنا avec أكثر من أربعة. لكن quand c'est في الحلال, ils combat. Pourquoi? لأنهم c'est des ennemis d'Allah سبحانه وتعالى. أما نحن لا. Tant que c'est في الحلال, الحمد لله. لكن on répète que ça nous écarte pas du حق et de la سنة. قال فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان النساء والطيب كذلك le parfum. النبي صلى الله عليه وسلم il aimait ces deux choses, les femmes et le parfum. قال ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم أي une des choses qu'il aimait le plus عليه الصلاة والسلام et qu'il le reposait à الصلاة. Ça montre que le repos, la tranquillité, tu vas le trouver où, أخي الكريم؟ Dans le din. النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة pour lui c'était une راحة. قال ابن القيم رحمه الله وقرة العين فوق المحبة فإنه ليس كل محبوب تقر به العين وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات التي أو الذي يحب لذاته وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو وكل ما سوى فإنه يحب تبعا لمحبته فيحب لأجله ولا يحب معه. ابن القيم رحمة الله عليه هنا ينمط النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة pour lui donc c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته وليس ذلك إلا الله أو إلا إلا الله الذي لا إله إلا هو. On n'a pas le droit d'aimer un شخص en lui-même sauf si cet amour c'est pour Allah. أما celui qui est aimé par lui-même ou pour lui-même c'est que Allah عز وجل. أما tout le reste, إما on va aimer pour Allah, إما on va détester pour Allah. Et ce كلام il est important. فتأملوا. قال وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو كل ما سوى فإنما يحب تبعا لمحبته. أما autre que Allah سبحانه وتعالى cet amour il est تبعا. أي si هذا الشخص c'est un muslim, c'est un mu'min, il obéit à Allah, il suit le prophète صلى الله عليه وسلم إلى آخره, plus il fait des efforts, plus on va l'aimer pour Allah, pas en lui-même. أما الله سبحانه وتعالى أنلم لمم لماذا؟ لأنه سالخالق سالرازق إلى آخره. قال يحب تبعا لمحبته فيحب لأجله ولا يحب معه. فالله سبحانه وتعالى يحب أي أنم لأجله لا معه. Pourquoi ? Parce que le mahabba c'est une ibada. Si on aime un autre, on l'aime fillah ou lillahi azza wa jal. C'est pour ça que notre amour envers les gens, ça doit être par rapport à la religion, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, nous, on doit encore se poser cette question. Tous ceux qu'on aime, on doit les aimer fillah ou lillahi azza wa jal. Et ceux qu'on déteste, c'est lillah. فلهذا قال سفيان الثوري رحمة الله عليه كما في حلية الأولياء لأبي نعيم قال رحمه الله إذا أحببت الرجل في الله ثم أحدث حدثا في الإسلام فلم تبغضه عليه فلم تحبه في الله في الحقيقة سي تأم واحد في الله مثلا تشعى une connaissance, un frère, fillah, tu l'aimes, fillah. Pas par intérêt, pas pour son argent, fillah. Pourquoi ? Parce que c'est un musulman, il a akhir. Thumma ahdatha hadathan fil islam. Thumma cet homme, il fait quelque chose, fil islam. On peut prendre un exemple, maintenant, il sort de l'islam. Enfin, si tu ne le détestes pas, qala falam tubghidhu alayh, falam tuhibhu fillah. Si tu ne le détestes pas, fil haqiqa, tu ne l'aimes pas, fillah. Si tu l'aurais aimé, fillah, vu que la cause de l'amour qu'il y avait entre toi et lui, fillah, c'était l'islam, il n'a plus cet islam, automatiquement tu dois le détester. Même s'il est gentil, même s'il t'a fait aucun mal à toi, même s'il t'aide, tu dois le détester, fillah. La tajidu qawman yu'minuna billah wal yawm al-akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulah. Hakada qala azza wa jalla. Tu ne trouveras pas un mu'min. Il aime les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan. Enfin, notre mahabba, ça doit être par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce ceux qui font des efforts, il a réalisé des mu'minons, on les aime. Al-kafara, on les déteste. Thumma, celui qui a des faiblesses, qui fait des bida'a ou qui fait des ma'asi, on le déteste par rapport à son égarement. Et on l'aime parce que c'est un musulman. Fahakada halu as-salihin. Pas, iyadam billah, comme ils font certains, les intérêts. Foulan, il est d'accord avec lui, il l'aime, il le rapproche, même s'il a des mukhalafat. Foulan, il n'est pas d'accord avec lui, il le déteste, même s'il a le haqq. Ça, c'est le hawa. Ça, c'est pas min sifat al-mu'minin, al-salihin, al-muwahidin, at-ba' al-salaf. Là, ça, c'est min sifat ahli al-ahwa. Ils aiment par rapport à leur intérêt. Falihada ba'd al-nas, et vous avez remarqué hada, rubbama, il déteste ses frères musulmans. Pourquoi ? لأن ربما ce musulman il a des faiblesses, il a menti ou il lui a pris quelque chose de ses biens ou il a akhir. فربما il le déteste. Et نحن on a dit أن عقيدة أهل السنة أن par rapport à sa مخالفة لا شك أن s'il a fait du mal on le déteste sur ce point. لكن ça reste un musulman. فالمحبة الأخوة الإيمانية elle reste. فتu trouves هؤلاء vu que le kafir مثلا il va في بلاد الكفر et il trouve peut-être moins de corruption, peut-être personne l'a volé, mais un acharhas, il l'a acquis pour lui. Peut-être que ce kafir lui a rendu service. Fabardhom, ils disent c'est eux, al-mu'minun fil haqiqa. Amma nahnu, on n'est pas des muslimoun, hakada, al-jahl. Pourquoi les anna, ils n'ont pas hada al-mizan? Aina, si tu viens à réfléchir, pourquoi tu ne penses pas, ce kafir, peut-être qu'il est gentil, il t'a souri, il t'a montré le tariq, il t'a aidé. Et tu as fait une mu'amala avec lui, tu l'as trouvé, annahu, il est droit. N'oublie pas, annahu, la yu'min billah. Ça ne te dérange pas, hada. Annahu, la yu'min bil Qur'an. Ce Qur'an que tu aimes tant, huwa, il ne croit pas. Ça ne te dérange pas, hada. Ce Nabi, al-Amin, sallallahu alayhi wa sallam, que tu aimes et que tu essayes de suivre, huwa, pour lui, il ne croit pas. Bel rubbama, il se moque, ou rubbama, il accepte ceux qui se moquent, il dit, ils sont libres, il a akhri, m'a affiché. Hada, tout ça, ça ne te dérange pas. L'haqiqa, le mu'min, ça le dérange. C'est pour ça que le mu'min, il déteste jami' al-kafar. Même s'ils sont droits. Ba'd al-kafar, tu trouves, fil mu'amalat, ils sont droits. Ils ne mentent pas, il a akhir. Lakin, nahnu, notre mahabba, ce n'est pas par rapport à nous. Ça serait par rapport à nous. Nous, na'am, on va l'aimer. Annahu, il m'a fait aucun mal, il m'aide. Lakin, ce n'est pas par rapport à nous. C'est par rapport au din. Al-imam Ahmed, rahmatullah alayhi. Imamun fi sunnah. Imamun fi al-aqidah. quand il passait devant un Nasrani, il tournait le regard. Quand il passait devant un chrétien, il tournait la tête. Rahmatullah alayhi. Marra wahed, il lui a demandé, ya imam, je t'ai observé quand tel chrétien passe, tu tournes la tête. Qala al-imam Ahmad rahmatullah alayhi, inni akra. Et je déteste regarder ce visage qui ment sur Allah. Lianna jami'a an-nasara, ils mentent sur Allah. Ils disent que Isa c'est le fils d'Allah. Kadibun wa buhtanun wa zour wa zulm. Fal-imam Ahmad, cette aqidah, quand tu vois un chrétien, il tourne la tête. Il ne peut pas le voir. Comment je vais regarder fi hadha an-nasrani, et c'est un menteur. Il dit que Allah il a un enfant. Un mithal pour vous rapprocher, ba'd an-nas, si wahid mathalan, il insulte ton père et ta mère, est-ce que tu pourras aller parler avec lui, manger avec lui, le regarder avec un sourire, il a akhri tartah ilayhi abadan. S'il insulte ton père et ta mère, tu peux plus le regarder. Peut-être que c'est un musulman, lakin c'est trop. Alors il insulte ton père, ta mère, enfin, tu le délaisses, c'est un fasiq ila akhri, tu le conseilles s'il veut pas, ça c'est tabii. Et malgré cela, on doit pas le détester comme si c'était un kafir, là. Ma balouk ceux qui insultent Allah et le Coran et la yu'minoun. Le mizan c'est quoi? C'est ma'rifatullah. C'est le Coran, c'est le sunnah. Lakin kathirun minan nas l'an, ils pèsent des choses avec le hawa. Et ils disent, maintenant en parlant de tel pays musulman, ahoula c'est pas des musulmans. Pourquoi? Parce que wahed il lui a mal parlé, wahed il lui a volé quelques centimes, il a... C'est ça son mizan. Thumma fi bilad kuf, peut-être qu'ils lui ont donné. Il donne des aides à l'akhiré. Ils lui ont donné, il dit, haoula, c'est une rahma, c'est eux. C'est eux, les musulmans. Les madhas, les anna. Les anna, ils profitent, ayyadam billah. Qala, fa inna al-hub ma'ahu shirkun, wal-hub li ajlihi tawhid, fal-mushrik yattakhid min dounillahi andadan yuhibbuhum kahubbillah, wal-muwahid innama yuhibbu man yuhibbuhu lillah. Tout ce qu'on a cité, Ibn Qayyim rahmatullah alayhi, il l'a cité en résumé, on a une jumla. Al-mu'min, il l'aime pour Allah, il déteste pour Allah. Pas pour ses intérêts. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, awthaq ura al-iman, al-hubbu fillah, wal-bughdu fillah. C'est ça l'iman al-haqiqi, l'iman al-qawi. L'iman al-haqiqi, c'est aimer fillah, détester fillah. Et عند بعض الجهال, ça c'est du tashaddud. C'est un manque de tolérance. Il faut un islam tolérant. Il faut accepter les autres. Ils appellent clairement, il faut s'aimer. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, donc il faut bien détester quelqu'un. On va leur dire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, détester fillah. On doit détester qui? On doit détester les musulmans. On doit détester nos frères. Ils vont dire, là, non, on ne va pas détester nos frères. On doit détester qui? Il reste le kuffar. Lianna imma l'insan mu'min imma kafir. Fasbourd, on va le mettre où? On va détester qui? Enfin, ceux qui appellent à la tolérance et la akhiri, ça va être quoi leur réponse? Imma, ils doivent reconnaître la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, imma, ayyadam billah, ils vont s'égarer. Fal mu'min al-qawi, il aime fillah, il déteste fillah. Et on précise, on a détesté fillah, ça ne veut pas dire être injuste. Ça ne veut pas dire aller les voler, aller à faire des attentats, des tueries. Abadan. Les détester fillah, c'est dans le cœur, et on ne se mélange pas à eux, et on fait attention. Annahum, c'est des ashrar, ils ont menti sur Allah, ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les déteste. Wa hisabuhum ala Allah. Et kathir min ha'oula, avant de mourir, ba'dhum, ils font tawba, Allah il les guide. Fa amruhum ila Allah. Amma nahnu, on a une mu'amala, comme Allah il nous a ordonné. On les déteste fillah. Et s'ils meurent ala hadha al-hal, ils sont fi nari jahannam. Qala, wa yaf'al ma yaf'aluhu lillah, wa yatruk ma yatrukuhu lillah, wa madaru ad-din ala hadhihi al-qawa'id al-arba. وهي الحب والبغض تأمل ابن القيم رحمة الله عليه يتمنى أن مدار الدين أن الدين يتغني لفوندي sur ces quatre points الحب والبغض أي aimer et détester aimer في الله détester في الله aimer ça va emmener une chose قال ابن القيم رحمة الله عليه والحب والبغض يترتب عليهما الفعل والترك والعطاء الحب ça va te pousser à donner à rapprocher البغض ça va te pousser à éloigner, à ne pas donner. Hakad al-mu'min. Il donne au mu'min, il rapproche le mu'min, et il déteste le kafir, et il s'écarte de lui. On répète la parole de l'Qayyim, qala rahmatullah alayhi. Wa qala innama yuhib ma yuhibbuhu lillah. ويبغض ما يبغضه لله. Donc il l'aime pour Allah, il déteste pour Allah. ويفعل ما يفعله لله. Ses actions, c'est pour Allah. ويترك ما يتركه لله. Il délaisse une chose, c'est pour Allah. ومدار الدين على هذه الأربعة. Aimer et faire, détester et délaisser. Si on applique le hijra, مثلاً, cette ibadah azima, فالمؤمن il l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il se déplace dans ce pays de muslim, لله عز وجل. Même si ce pays a des manques, même si ce pays, ربما, il y a du vol, بعض الناس, ils ont un mauvais comportement, c'est un pays muslim, فحبه في الله عز وجل, il va le pousser à faire le hijra dans ce pays et à patienter. بغضه لله, il va détester le kuffar et il ne pourra pas vivre avec eux. Enfin, il va délaisser cette terre de kuffar. Pourquoi lillah? Même si dans cette terre, Obama il a sa famille, Obama il a grandi, Obama il a ses repères, Obama il avait de l'argent, il a arrêté. Tous ces sacrifices et ce délaissement, fillah wa lillahi azza wa jalla. Donc, celui qui a ces quatre bases, ça va l'aider d'Iden. Hubbun wa bro. Al-mu'min, il n'aime pas tout le monde. Abadan. Quand tu entends wahed qui appelle à faut aimer, il faut se rassembler en parlant de tout le monde, i'lam annahu sa munharif, un jahl. Annahu, il ne connaît pas de din. Al-mu'min, kadalik, il ne déteste pas tout le monde. Na'oudou billah. La. Hubbun wa bro. Tu aimes qui et tu détestes qui par rapport au din. Celui qui aime din, il applique din, on l'aime. Celui qui n'applique pas din, il déteste din, on le déteste. Qala, wa hiya al-hub. والبغض ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان وما نقص منها أن كون لله عادة قال وما نقص منها أن كون لله عادة بنقص إيمانه عادة بنقص إيمان العبد نعم. وذكر المحقق في الحاشية حديث أبي أمامة رضي الله عنه dans la page suivante في الحاشية أي dans les notes de bas de page إلى cité حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. C'est ça l'iman القوي الكامل. Tu veux faire monter ton iman, applique ce hadith. من أحب لله, tu aimes l'Illah, Azza wa Jal. Wa abghada l'Illah, tu détestes l'Illah, Azza wa Jal. Pas pour ton nefs. Wa a'ta l'Illah, tu donnes pour Allah. Wa mana'a l'Illah. Ça montre anna al-mu'min, il donne et ahyanan, il donne pas. Prends l'exemple du mariage. Si tu as une fille, tu vas la donner à un mu'min. Est-ce que tu vas la donner à un kafir? Haramun alayk. Haramun. Ba'dahum, pour eux, c'est un manque de tolérance, il faut se mélanger, il a akhiri les cultures. Tout ça, c'est batel. Ça, c'est min al-dhalal. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله. Le résultat, c'est quoi? استكمل الإيمان. أما l'islam, la tolérance, la démocratie, la laïcité, ça peut enlever l'إيمان بالكلية عيدا بالله. أما tu veux faire monter ton إيمان, النبي صلى الله عليه وسلم il t'a cité الطريق. الحديث il est في سنن أبي داود et صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة et il a cité les références. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل من فضله عز وجل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. Et le prochain cours, inshallah, on continue mardi après l'asr. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.